more of a beast. There ain't no creatures out there meaner than me. So when you're out there, just look and see. Every living creature's paying homage. King of the jungle, that's me. Oh yeah, The Kingpins avec King of the Jungle, version alternative, se retrouvant sur Let's Go Back to Work. Hey, c'est le camarade B qui vous accueille pour cette 673e émission de Sky Ponga en ce jeudi 27 juillet 2017. N'oubliez pas que les Kingpins, comme je vous l'ai dit pas mal de fois lors des dernières émissions, là, seront en spectacle ce vendredi 28 juillet, c'est-à-dire finalement demain, avec Rancid, Dropkick Murphy, Hex, The Vandal, The Bouncing Soul, Madball et bien d'autres au Festival 77 à Montréal, qui est situé au Jean-Drapeau. Hein? Qui est situé au Parc Jean-Drapeau, ouais. Bon. Sur ce, on continue avec une nouveauté en musique, une nouveauté qui nous provient de Dure Réalité, c'est-à-dire Dure Cœur, avec leur nouvel album Dure, Dure, Dure. On va entendre les trois chansons suivantes. On pourrait dire quatre vu qu'il y a une intro. Donc, ça va commencer avec l'intro, qui s'enchaîne avec L'Enclume, par la suite Assez, c'est assez, ainsi que Mensonge. Et ça, c'est ça, je l'ai dit, c'est extrait de leur tout nouvel album qui est sur Dure Réalité, mais il vient de sortir. Là. Et puis, il s'appelle Dure, Dure, Dure. Il est disponible en téléchargement sur l'Internet. Puis, dans d'autres formats, j'imagine. Là. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Donc, let's go! Musique! Oh, Ok, alors c'était Durcœur avec Mensonge, et tout juste avant ça, on a vu l'introduction de leur tout nouvel album, ouais, qui s'appelle Dur, Dur, Dur. Et ensuite, ben, on avait enchaîné avec L'Enclume, et après on avait eu Assez, c'est assez. Maintenant, on continue sans plus tarder avec Rancid et la pièce Molly, Make Up Your Mind, ainsi que I Got Damn Blues Again. Pourquoi ces deux pièces-là? C'est que les deux s'enchaînent une dans l'autre. Le tout nouvel album de Rancid qui s'appelle Troublemaker. C'est-à-dire les chansons 11 et 12. Et puis après ça, eh bien, Dropkick Murphys avec une demande de Corinne Blouin. Ben oui, la petite fille à Martin et à Tracy, là, à Vlower Rose Tattoo. On va espérer que Dropkick joue justement à Rose Tattoo 77 vendredi, là, parce que, tu sais, hein, sérieux, Rose Tattoo, quand même, est bonne. Puis, après ça, The Bong Sing Soul avec Up to Us, pièce qui se retrouve sur leur plus récent album qui s'appelle Simplicity, qui est sorti en 2016. Alors, sur ce, allons-y, sans plus tarder, avec Rancid et les deux pièces qui s'appellent Molly, Make Up Your Mind, qui s'enchaînent avec I Got Them Blues Again. Tout ça à Skypunka, sur les ondes du Punkland, là où tout est gratuit. Let's go! Molly, make up your mind. Molly, Molly, make up your mind. Well, I don't give a fuck what they said. Try to hang around with the living dead. Pot shot guitar just to make some load. Northern California with a constant suit. Molly, make up your mind. Molly, Molly, make up your mind. Molly wrote a boxcar for two deaths. Sad discrepancy, sad state. Fell asleep hard in a bed of flowers. There's another train in a couple of hours. Molly, make up your mind. Molly, Molly, make up your mind. Molly obtained certain information. 0+0 is 0 equations. Talk that money as you let the bless. Fuck him and her, she's tired of this place. Molly, make up your mind. Molly, Molly, make up your mind. Molly, make up your mind. Molly, make up your mind. Careless love is taught without lessons. No notification or exception. So meet me by the weeping willow tree. Cause there's no one coming home for me. I got them blues again. I got them old time blues again. I got them blues again. I got them old time blues. They're steaming to a pin with a pastry dish. Telegraph Avenue to Power Witch. I seen them do the cut up in his switch. They all cheated and so now they've got rich. I got them blues again. I got them old time blues again. I got them blues again. I got them old time blues. No notification or obsession. So meet me by the weeping willow tree. Cause there's no one coming home for me. Cause there's no one coming home for me. Cause there's no one coming home for me. Just

Ok, alors c'était The Bouncing Soul avec Up to Us. Et au début du bloc, on avait Rancid avec Molly Make Up Your Mind ainsi que I Got Them Blues Again. Et après ça, Dropkick Murphys avec Rose Tattoo. Maintenant, on s'en va en entrevue et en chanson avec la nouvelle formation montréalaise Atomic Threat. Et une entrevue, et puis bien sûr, quatre chansons extraites de leur démo 2017. Les pièces qu'on va entendre, en tout cas, la première chanson d'ailleurs avant l'entrevue, c'est Bum Oshalaga. Après ça, première partie de l'entrevue, suivie de Losing Control, avec la deuxième partie de l'entrevue. Après ça, vous allez avoir la chanson W.O., qui est pour le World Order, qui est la chanson 4 sur l'album, parce que sur leur album que contient, ben, album démo contient 4 albums, ils ont 4 chansons, mais vous allez voir, ça s'enchaîne mieux comme ça avec la façon que les membres parlaient de divers sujets. Là. Bref, c'est ça. Et finalement, il va y avoir la troisième partie de l'entrevue avec la pièce Rebel Youth, qui, dans le fond, est la troisième pièce sur l'album. Tandis que Bum Oshalaga, c'est la première. Puis Losing Control, c'est la deuxième. Ouais. Sur ce, je vous laisse aller avec mon entrevue que j'ai faite au Yermad le 19 juillet 2017, bien sûr. Il faisait chaud, mais on a eu du fun. On a bu de la bonne bière. Il y avait de la bonne musique en background en plus. Fait que j'ai même pas besoin de mettre de la musique en background pendant l'entrevue. C'est-tu pas pire, ça? Allez, let's go! Bum Oshalaga de Atomic Threat. Yeah! Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Atomic Threat. On est le 19 juillet, on est au Yermad, puis il fait chaud en calice. Fait que les boys and girls, c'est-à-dire Kelly, Farid, Yannick, il manque juste Louis, j'aimerais savoir quel est l'historique de votre groupe. Ben, on a bientôt un an, puis on s'est formé au mois d'août de l'année passée. Puis l'historique, c'est ça, on est quatre personnes qui partagent nos idées, puis avec ça, on va de l'avant. On compose toutes, on présente toutes nos idées, puis c'est ça, là. C'est un groupe qui est, c'est un groupe à quatre, qui est décidé à quatre, puis tout, on fait tout à quatre. OK. Il n'y a pas de leader, attends. n'y a pas de leader dans le groupe. On est tous leaders. Ok. Kane? Quelque chose à rajouter? Ben, moi, je suis bien contente d'être dans cette bande-là. Ça fait de quoi de vraiment... je sais pas quoi dire. Bon, maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur le démo que j'ai en face de moi. Là, votre démo 2017, qui est un album, un démo éponyme avec 4 chansons. Quels sont les sujets abordés par vos chansons? Kelly? Oui, bien, majoritairement, on a Bomb Oshlaga, que c'est, dans le fond, j'aborde le sujet de la pauvreté. Puis de comment que c'est vu par la société, justement, comme les gens qui habitent dans Hochelaga-Maisonneuve. Vu que j'ai déjà habité dans ce quartier-là, genre, ce qu'ils vivent, genre, de vivre dans un milieu pauvre, mais de côtoyer en même temps de plus en plus les Congos, les riches, puis genre, dans les yeux de la société, de quoi que ça a l'air, puis... faudrait genre se sortir de cette espèce de pattern-là. Pour Losing Control, ben c'est Farid qui l'a écrit. Losing Control, c'est le monde qui sont pas mal centrés sur eux autres même. OK. Puis sauf que c'est maladif. Puis ça c'est quelque chose que j'avais écrit en 2004 avec une de mes ex qui était justement une centrée. Fait que j'ai écrit une chanson là-dessus parce que j'en vois beaucoup. Puis aussi, c'est un sujet d'actualité parce qu'il y en a beaucoup qui aiment se centrer, ouais. Pas mal, puis qui aiment... le but de ce groupe-là aussi, c'est d'écrire des chansons de sujets d'actualité tout en, même, en étant aussi tabou. On cherche un peu à être tabou, puis on veut parler des affaires puis pas avoir peur de le dire. C'est sûr qu'il y a des sujets qu'on touche pas parce que c'est à réfléchir. Hormis votre démo que vous venez de sortir, est-ce que vous avez un projet qui s'en vient pour un album ou un EP à venir ou un split ou je ne sais pas? Ben, pour nous autres, on a fait ce EP-là pour présenter le groupe. On avait des chansons. On a composé ces chansons-là. Puis on avait d'autres chansons, mais qu'on avait faites avec un ancien groupe. Fait que nous autres, on a dit on va présenter un EP avec nos nouvelles chansons pour au moins présenter le groupe, ouais. De savoir montrer au monde notre style et tout. Puis dire, ben, c'est ça, Atomic Threat. Ouais, question comme ça, ça vous a-tu coûté cher vous autoproduire? Ben, pas tant que ça. Ben, tu sais, je veux dire. Ce qui a coûté cher, c'est pas enregistrer le CD, l'album, parce qu'on a fait ça avec un ami à nous, qui est Alex Blain, okay. Qui est probablement assez connu, qui a produit aussi les Last Rockers, là, que je veux pas non plus faire un shout-out, mais comme, juste de même, c'est shout-out à Alex Blain, parce qu'il était écœurant, il fait de la maudite bonne job, fait que ça a bien été pour ça. Ce qui vraiment est un peu plus dispendieux, c'est produire l'album, le duplicateur, imprimer les stickers, les t-shirts, les cartes, tout ça. Mais tu sais, une fois que le CD est enregistré, t'es tellement content, comme aïe, c'est ça qu'on a fait. C'est comme ça qu'on sonne. Ouais, c'est ça. Ça a moins d'importance après. Oui, ça a coûté cher, mais quand on voit le produit fini, ça en valait largement la peine. C'est quelque chose. Okay. On a été très contents du produit, puis même surpris. Parce que, veux pas, quand tu pratiques dans un local, t'as des bouchons dans les oreilles, il y a de l'écho, on essaye de s'entendre. Mais là, quand t'entends ça, là, enregistré, tu fais « Wow, on a fait ça », tu sais. Nous autres, on est très fiers de ce qu'on a fait. Là, on est bien contents. Ça sonne bien, en tout cas. Merci. Ben ça, de ça, quand on a écouté l'album, justement, il y a déjà des chansons que le monde préfère. Moi, on me revient souvent avec Bomb Oshlaga. Que le monde accroche à cette chanson-là. Puis même moi, quand je l'écoute, je trippe autant que. Je suis comme un gamin quand je fais ça. quelles sont vos influences? Mais je pense qu'on va y aller en ordre. On va commencer avec Farid. Et quelles sont des influences qui t'ont amené à composer pour Atomic Threat? Ben, au début, quand ce band-là était formé, le but c'était de lâcher un peu le old school et aller plus vers des sujets d'actualité, tout en étant adulte. C'est sûr qu'on ne parlera pas des affaires d'adolescents parce qu'on est plus, à l'âge qu'on est rendu, on n'est plus adolescent. Fait qu'on va regarder comme la vie des gens, la politique actuelle. Comme là, il y a pas mal de choses qui sont en train de venir, des nouvelles chansons qui sont en train de se faire. Ouais, de s'en venir. Ça se mijote. Il y a des idées qui sortent, puis tranquillement. On est tout le temps en train de. On pratique puis on compose en même temps. Il y a tout le temps un nouveau riff qui arrive. Puis c'est ça. Puis l'atome menace atomique. Ben, le band menace atomique. Atomic Threat. C'est qu'il y a toujours une possibilité d'une menace atomique. Fait que c'est toujours un sujet qui est d'actualité. Puis même ce qu'on voit avec la Corée du Nord maintenant, puis tout ça, ben, je pense qu'on a trouvé, le bon nom pour ça. Bon, Kelly? Ben, moi, je suis, ben, surtout au niveau musical, puis pour où ce que j'ai cherché mon vocal, je suis beaucoup inspirée par des bandes comme bon, L7, les Distillers, dans cette veine-là un peu plus. Mais pour Atomic Threat, vraiment, je me suis laissée aller sur vraiment le thème. De la menace atomique, puis aussi un peu comme si on... Je me suis mis dans la peau comme si on était des genres de punk rockers mutants. Tu sais, là, qui avaient muté avec une espèce de radioactivité. On est comme des Toxic Avengers du punk rock, genre. Ben, moi, quand ça a commencé au départ, moi, c'est Farid qui est venu me chercher. De bon, je faisais des covers du passe temps, tu sais. Je jouais autant dans le métal que dans le punk rock, tu sais. Genre Godsmack, NoFX, tout ça, je trippais. C'est qu'il a voulu que j'apporte une petite touche métalleuse à ce projet, tu sais. Puis moi, ben, c'est sûr, en fait, quand on compose ensemble, des fois, je donne une petite touche un petit peu plus punk hardcore, on pourrait dire. Genre une touche métalleuse, c'est bon. En tant que tel, moi, mes influences musicales, c'est dans ce que j'écoute dans le moment. C'est comme là, je partirais un trait d'écouter que de punk rock, ben, okay. Je suis très inspiré par ce que j'écoute. Mais j'en écoute tellement, je ne peux pas tout les énumérer. Mais autant que parfois, quand je compose, c'est ce que j'écoute dans le moment. Pourriez-vous me dire quelles sont les choses qui vous choquent dans la vie, autant politiquement, socialement, que je ne sais pas, mais qu'est-ce qui vous choque? Puis qui vous porte à aller composer de la musique? Salut! Ben moi, ce qui me choque, c'est que quand je regarde les nouvelles internationales, puis que je vois des bombardements, des civils qui se font tuer, puis je regarde alentour, puis je dirais que les grands dirigeants ou certaines corporatives ont décidé qu'il y avait du monde qui était plus bas que d'autres. Et je vous dirais que le World Order là, est pas mal présent dans notre vie actuelle, tu sais, à travers le monde. Au niveau des personnes, moi, c'est les langues de vipère, le monde hypocrite. C'est pour le monde de même. C'est pas vraiment. Mes compositions arrivent instantanées. Okay. Si je vois un sujet qui m'intéresse, je vais en parler. Je vais l'écrire, je vais présenter l'idée. Moi, quand j'écris des chansons, c'est pas vraiment cette chanson-là qui va apparaître, c'est une idée que je présente. Et à se faire construire. Oui, ça a tout le temps été les politiques, la politique internationale, l'amour. J'ai fait deux chansons d'amour. C'est ça. Généralement, c'est mes compositions viennent aussi de l'histoire des gens. comme Losing Control, c'est comme que j'avais parlé, Losing Control. W.O. c'est plus une tune politique, là. C'est le World Order qu'on voit aujourd'hui, là. Quand tu vois les Harry Burton, c'est ces grosses corporatives là, qui sont un peu partout, là. Surtout dans les places où que les places militaires, là. Donc, les bases militaires et tout ça, là. Tu vois qu'ils sont là, puis que je les vois aux États-Unis aussi, tu les vois un peu partout. C'est bon. Kerry? Moi, qu'est-ce qui me choque? Ouais. Oh my God, il y a tellement d'affaires, là. OK. First, ce que c'est rendu la musique aujourd'hui, là, comme la merde qui nous passe à la radio aujourd'hui, là. Toutes les chanteuses ont la même fucking voix à cause de l'autotune. C'est rendu que t'es même plus besoin de savoir chanter pour être populaire. Faut juste que tu te montes les boules pis le cul. Ça, ça me choque. Une autre affaire qui me choque, man, c'est la mentalité du monde d'aujourd'hui. La mentalité qui pousse genre des centaines de gens à faire la queue, genre carrément faire la file pis camper en avant d'un footlocker pour une paire de souliers. Moi, là, quand j'ai vu une file d'attente qui attendait pis qui campait en avant de quelque chose, c'était en avant d'un fucking, genre, salle de spectacle, OK? On s'en allait voir, man, un band fucking intense, genre, comme... Metallica, c'est pas si intense que ça, mais on s'en allait voir Metallica. Genre, ça, c'est le genre d'affaire qui va faire une file d'attente, genre, de deux coins de rue en avant d'un building, mais pas une paire de souliers. Ça, ça me choque. Puis la mentalité aussi de... Genre, des gens en général, juste comment on élève nos enfants, qu'on les surprotège, comment qu'on voit, genre, les classes sociales, comment que c'est en train de se diviser, puis l'espèce de grand canyon qui est en train de se creuser, justement, entre les classes sociales, puis juste la vie en ville en général, même comme de la merde, même, c'est vraiment... Ça n'a juste pas de bon sens. Comme sur ma rue, il y a des nids de poules que c'est même plus rendu des nids. Je pourrais appeler ça des condos. Mais ils mettent des lumières sur le fond. Ça me choque, OK? OK, j'ai réussi à plugger ça, là, les lumières sur le fond. Là. Je pense que rendu là, c'est comme le summum de ce qui me choque, ça. Et Yannick? Ben, moi, j'ai vu la société. Je vais être plutôt court là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est... On appauvrit les pauvres, on enrichit les riches. Peu importe dans l'emploi, c'est toujours comme ça. Et du point de vue musical, ce qui me choque le plus, moi j'étais inscrit dans un paquet de groupes, que ce soit metal, punk rock, puis me semble que ça devrait être une grande famille, on devrait tous s'encourager, même si c'est pas tout mon style de musique, mais il y a toujours des chicanes, genre, ah, toi ta musique c'est pas bon, il n'y a pas 25 000 solos là-dedans, tu sais, ou ta tourne, ils font 3 minutes, c'est pas de la vraie musique. On devrait pas, on devrait être une grande famille, on devrait tous s'entraider, s'encourager dans la musique, au lieu de se plumer dessus. C'est toujours comme ça, il y a des débats qui en finissent plus, le monde qui juge un style de musique qu'un autre aime, tout ça. Tu sais, oui, j'aime pas tous les styles de musique, mais si tu écoutes pas un petit tabou, tu vas te respecter pareil. Tu sais, t'as le droit à ton style de musique, c'est ta musique pareil. We'll be right back. quel est votre rêve? Se faire connaître. Créer une révolution avec notre musique, c'est-à-dire changer le monde. Yeah. Partir au niveau international, puis se faire beaucoup de fans. Dans mes bandes passées, c'était plutôt nos chums qui venaient. Moi aussi, cette année, j'ai 5 personnes qui viennent que je connais pas, qui aiment notre musique, je vais être content. Moi, je veux des fans. Si du monde de France vous appelle pour descendre, vous y allez? Mais oui, putain de merde! Mais c'est pas compliqué, le plus important là, je veux triper à fond. Triper avec les. On est une belle gang. Puis écoute. C'est ça. Comment qu'ils vous rejoignent le monde s'ils veulent vous faire descendre? Ben, ils peuvent toujours nous appeler. On a Facebook, Bandcamp. Carte d'affaires. On donne des cartes d'affaires à tous les bookers. Mais par Facebook, tout est là. Puis, Facebook, Foodcore. Bientôt, on va être dans punkrock.net. Question plus d'intérêt général. Que pensez-vous de la scène punk actuelle? Elle se porte bien, elle se porte mal. Je sais pas. La ville versus les régions. Okay. Moi, je trouve que la scène punk en ce moment, il y a certains petits groupes qui ont vraiment de l'allure, que j'aime bien. Mais pour le reste, là, punk's not dead, mais ça commence à sentir le cadavre. Dans quel sens? Ben, oh my god, d'avoir de la misère, autant de misère à amener du monde à nos shows, d'avoir autant de misère à booker, d'avoir de la misère à avoir du monde qui sont juste intéressés. Tu sais, il faut que tu aies vraiment, je sais pas, il faut que tu sors. Oh my god, j'ai de la misère à m'exprimer. Regarde, je vais y aller direct, ok? Ouais, vas-y. Il faut que tu sois prête à jouer dans un espèce de demi-sous-sol rempli de punaises, là, où ce que ça sent le swing à plein nez, là, pendant comme plusieurs années pour réussir à avoir une gig qui a de l'allure. Pis ça, je trouve que c'est plate, parce que c'est pas parce que c'est punk, que c'est pas professionnel, pis que ça vaut pas la peine de mettre sur un plus gros stage avec un peu plus de budget. J'ai vu des shows, des groupes un peu plus vieux, moins de public jeune qui écoute ça. Le respect, c'est ce que j'étais habitué, moi. Pour avoir du show, le monde se respectait, ça s'excusait, même si c'était des gros rockers tatoués, c'était aimable, ça se respectait. Mais récemment, j'ai vu des shows où il y avait bien des jeunes, zéro respect. C'est n'importe quoi, c'est. La violence avant tout, écoutez, moi je voudrais un bon choix grave, un bon petit trash, ça va être cool, ben non, faut que ça finisse la violence ensemble, de faire le même, ça c'est la violence, ça, c'est juste la violence. Ça c'est les fameux Wall of Death qui sont loin de nos bons vieux trash là. Ouais c'est ça, moi je suis habitué à un bon vieux trash, parce que tu sais, on se pousse un autre, let's go, pis si tu fais mal un peu à quelqu'un, excuse-moi, man, on continue le show, on trip à fond. Plutôt que, non, mais tu sais, mon point d'en face sans raison particulière, t'es là, je te frappe. Ça, je comprendrai jamais ça. Je comprendrai jamais ça, comme les petits jeunes, ça va dans les shows, ça crache en l'air, là, pis aucune raison de faire ça, mais ça le fait parce que c'est cool. C'est complètement stupide. Je me suis fait fracturer une côte, moi, dans un Wall of Death. Parce que j'ai eu le malheur de ne pas être assez vite pour sacrer mon camp de là avant qu'il soit trop tard. Si tu veux parler de la scène punk, je pense qu'au début, quand le punk avait commencé avec les Ramones, The Clash, The Sex Pistols, tout ça, c'était... les Ramones, The Clash, c'était... plus la scène new-yorkaise, c'était plus quelque chose de simple, facile à jouer. Puis ça a même inspiré des producteurs de films. Ouais. Il y en a beaucoup de producteurs de films qui ont dit on a été inspiré par les Ramones. Parce que, regarde, on peut faire un bon film avec un petit budget, pas besoin d'un gros crew, puis toutes ces affaires-là. À un moment donné, il y a eu comme une sorte de division là, dans les... il y a des punks qui ont commencé à vouloir se diviser. Et, ben là, on parlait des punks de rue, ce qui est reconnu un peu comme les crusty punks. Oh ben les skinheads aussi qui se sont comme mis de côté. Là, il y a eu les nazis et tout ça. Si on parle des années 80, il y en a qui vont se rappeler les vieux de la vieille, les meutes au Forum de Montréal avec Perrier Noir, quand les skinheads aux nazis sont venus pour se battre. Des affaires comme ça. Nous autres, Atomic Threat, on n'a aucune division. Okay? On est des musiciens, on aime faire notre musique. Tu joues du grindcore, tu joues n'importe quoi. T'es un punk, okay? T'es un tripeux de métal. Okay? Écoute, on te respecte. Okay? C'est pas l'habit qui fait le punk. C'est ça. Bien, bien dit, ça. Ça, c'est du bon vieux jello. Ouais, du bon vieux jello. Ou du bon vieux strummer, ou du bon vieux crass. Puis le monde veut faire leur division, qu'ils leur fassent leur division. Nous autres, on ne se divisera pas. Oui. On est de cette génération-là qu'un punk, c'est un punk. Point la ligne. OK? Aucune division. T'es un skinhead. J'ai été en Angleterre, j'ai rencontré des skinheads originales. J'ai fait le party avec eux autres. Ça a été super le fun. Okay? J'ai rencontré autant des vieux punks que des jeunes punks. Et partout où je vais, ou partout où je rencontre des métalleux ou des musiciens, okay, on a tous quelque chose en commun. On est des musiciens, on aime créer, on aime partager notre passion. Puis c'est ça le plus important. Yes. C'est ça le plus important, c'est pas se diviser. C'est sûr, United we stand, divided we fall, comme on dit tout. Puis ça m'amène à votre show qui s'en vient, là, qui est le 5 août avec, vous me corrigerez si je me trompe, là. Screaming Demons, Dead Life with Gutrot, ainsi que Old School Johnny. Parlez-moi donc de ces trois groupes-là, mais je pense que Kelly, tu connais bien Screaming Demons. Ouais, Screaming Demons, ben c'est un groupe que j'ai fait la première partie avec mon autre band, The Last Rockers, puis je les ai trouvés écœurants, ok? Puis très en partant, ça fait avec nous autres, parce que c'est une fille qui chante. Okay. Puis, dans quel genre? Dans quel genre elle est écœurante? Mais je te dirais que c'est un mix un peu de tout. Moi, je te dis, là, si je peux comparer ça à quelque chose, L7. Okay. Les années 90, elle a la voix tellement ressemblante à L7. C'est okay. Une chanteuse écœurante. Le groupe est sacoche. Son tête, c'est épouvantable. Pour Old School Johnny Gutrot, c'est des bandes que j'ai pas encore vu live, mais j'ai vraiment hâte d'être là et de les voir. Gutrot, toi tu connais ça? Ben, je suis allé vérifier quelques vidéos. Okay. C'est vraiment basic ce que je connais. Okay. Elle semble un peu screamer la chanteuse aussi. Okay. Une autre chanteuse? Ouais, un autre chanteuse. Ça c'est malade, c'est cool, tu sais. Non, ça va, je suis pas mal. J'ai tellement fort de les voir en show. Ça pourrait même faire un méchant bon show. Old School Johnny, c'est rockabille, mais acoustique, hein? Je les connais pas. C'est ça, ils font un set acoustique, oui. Show. Ben là, il y a un monde qui s'en va là. Leur drummer, malheureusement, il va être en tournée. Okay. Ils ont proposé d'ouvrir avec un spectacle acoustique. On a accepté ça. Eh, hey, ben ça va être des villes, là. Ça, c'est au Barfly. Est-ce que vous avez déjà joué au Barfly? Ouais, on a déjà joué au Barfly. Mais pas avec Atomic Threat. C'est quel genre de salle? Une grosse salle, une petite salle? C'est quand même une petite salle. C'est pas, je veux dire, on s'entend, c'est pas l'hémisphère gauche, là. C'est pas nos. C'est pas l'Olympia, je veux dire, c'est comme. Quand il rentre une centaine de personnes. À peu près une centaine de personnes. Écoute, rentre une centaine de personnes là-dedans, là. C'est le beau party. T'es quasiment sold out. Okay? Yes, sir. Bon. Que c'est genre la meilleure place que tu voudrais être pour un premier show pour un band. OK. Parce que c'est facile à remplir. Puis, c'est motivant pour le groupe. Oui, exactement. Fait que t'as pas besoin de beaucoup de monde pour remplir la salle. Fait que c'est vraiment super le fun. Genre, le stage est à peu près un pied, pas plus qu'un pied de haut. Fait qu'on est très proche du public. Puis, sincèrement, je pense que c'est vraiment une place intéressante à aller. Là. Pour nous, en tant que band, que c'est notre premier show, notre première performance live, c'est écœurant. On commence dans une petite place, mais c'est de best. Puis en même temps, pour le monde qui vont venir nous voir, parce que vous allez être proches, t'sais, vous allez même pouvoir venir aussi trasher avec moi, man. Ça commence à 20h. C'est la première chose du groupe. Mais le reste du band, on expérience des shows. Moi, c'est mon premier avis. OK. J'ai jamais monté sur un stage. Fait que ça, j'ai vraiment hâte que je ne peux plus l'attendre. Vraiment, je suis motivé à fond. Là, puis j'ai bien hâte de triper avec la gang sur stage. J'ai beaucoup d'expérience avec toi. C'est ça, c'est vraiment cool. Puis, j'ai aucune crainte. J'ai pas de crainte. J'ai pas peur, je suis pas stressé. Au contraire, je suis très à fond. Là, puis, c'est ma passion. C'était mon rêve de monter sur un stage. Fait que je voulais réaliser mon rêve à ce show-là. Good! Ouais. Bon, mais hop! On l'a emmené faire l'enregistrement du EP, fait que déjà là-dessus, il est déviergé. Puis là, après ça, après le premier show, il va avoir mal un peu partout, là, mais là, au moins, he broke the cherry, boy! Ouais, en tout cas, merci beaucoup, Blanc de Rue. C'est ça d'un bon show. Merci! Rock on! J'espère que vous avez aimé cette entrevue avec la gang de Atomic Threat ainsi que les chansons de ce même groupe. Je vous rappelle l'ordre des pièces qu'ils ont joué. Tout d'abord, au début, avant l'entrevue, on avait eu Bomb Oshalaga, ensuite Losing Control, WO, c'est-à-dire World Order, et finalement Rebel Youth. Ça se retrouve sur leur démo éponyme qui vient de sortir. Allez sur Facebook. Tapez Atomic Threat, tout va sortir, vous allez tout avoir, ils sont vraiment faciles à rejoindre. Puis comme vous l'avez entendu dans l'entrevue, là, ils seront prêts à aller jouer n'importe où. Puis ils aimeraient bien ça être signé par un bon label qui leur permettrait d'aller faire du punk rock un peu partout. Bon, c'est ça, let's go. Maintenant, on enchaîne en musique avec Lower Class Brat et la pièce... Ultra Violence ainsi que Air Wave Raid version live, extrait de leur album qui s'appelle Loud and Out of Tune Live, paru il y a quelques années sur TKO Records. Oh, que oui. En 2006. C'est quand même pas si vieux que ça. En fait, les shows sont en 2006, mais le show est en 2006, mais l'album, lui, est sorti en 2007. En mars 2007, en plus, comme il est écrit sur le CD. Après ça, Total Chaos, oh boy, j'étais au secondaire, avec Riot 77, pièce qui est extraite de leur bon vieil album Anthem from the LOA, sorti en 1996. Ben non, j'étais au cégep, Calibin. Ouais, 1996. Secondaire, t'as fini. Hein? Ouais, c'était le cégep, ça. Ouais, en tout cas, c'est ça. Donc, très bon classique cet album, hein? L'album est Anthem from the LOA de Total Chaos avec la pièce Riot 77. Puis après ça, un autre classique, mais là on s'en va dans le oeil français, oeil anarcho-communiste, Bolshoï, avec la pièce Silence Armé 3, plus hier, aujourd'hui et demain. Pièce qui est extraite de leur album éponyme, qui est vraiment très bon. Sur ce, c'est le temps d'y aller à la musique, donc je vous dis que c'est le temps d'y aller à la musique. Ouais. Yeah, no one wants to get kicked out tonight, right? How you guys doing? It's been a long fucking time. Hey, how about some fucking ultraviolence? For your strong tail events, fighting on for the king. Come on down, have a drink on us. A nice cold glass of normal blood. Now it's time for a bit of video. Stop! garbage on the radio. Exactly what's fucking garbage. Cause it's just like eating it up. It's deteriorating your brain, turning into styrofoam inside the head instead of actual brain. You're not thinking. We want you to use your brain. Come on! So, airway brain! You got it! Airway brain! We want it! Airway brain! We got it! Airway brain! Rock it. mots de l'âme sacrifiée. Sur le front, le cœur crucifié, le poing fermé, nos larmes chargées, le sang futur et des rêves pourtant les autres. Nous sommes dans nos solitudes les plus serrées, dans nos amertumes, l'amour inséré, la chair à canon des aînés, l'exil des armées, des aînés, des autres. Nous sommes les autres, d'ailleurs toujours les autres. Camarades à jamais, qu'à tout de hier, pour aujourd'hui, comme demain. Nous sommes maintenant. Claque les fusils, résonnent les chants. Fleurs de misère, ceux de colère repoussent sous les pierres. Nourris du sang de tous nos frères, ne meurt jamais la mauvaise herbe. Sans des braves, sans prolétaires, à jamais. Camarades, comme le jour et comme hier, les poings toujours se dressent fiers. En rouge, en noir, reste l'espoir, le coup de la victoire. Se lève une jeunesse sans maître, sans Dieu, sans César, sans trimain. Unis pour la lutte et la fête à jamais. Antiraciste, antifasciste, communiste, anarchiste, nos idéaux, notre drapeau, appelle le monde nouveau. Un avenir de liberté, un pain de solidarité, un autre futur humain. Ok, alors c'était Bolshoï avec Silence Armée 3 plus Hier, Aujourd'hui et Demain. Et au début du bloc, on a eu Lower Class Brats avec Ultra Violence ainsi que Air Wave Raid, version live. Puis après, Total Chaos avec Riot 77. Maintenant, on enchaîne avec une autre nouveauté de la semaine, Les Partisans avec 4 pièces qui sont extraites de l'album Rallumer tous les soleils qui vient de sortir sur Casual Record. Et les chansons qu'on va entendre sont les suivantes, c'est-à-dire Je suis vivant, Rouge baiser, Dans un éclair et puis Mauvais garçon. Qui était sorti l'année passée sur un split qu'ils ont fait avec les 3-8. Split 7 pouces là. Mais en tout cas, vous allez voir, il y a une petite différence. Et je trouve que celle-là est plus punk. Ah, pour revenir au tout nouvel album des Partisans, ska punk avec beaucoup d'influence rocksteady, un peu de reggae aussi. Donc, dans le fond, ça ressemble à ce que les Partisans faisaient avant de prendre une très longue pause. Et là, les Partisans sont revenus. J'espère que c'est pour un bon bout de temps. Puis, si vous avez le temps de venir faire un tour à Montréal, ben, ça serait le fun de vous voir, car on vous a jamais vu à Montréal, en tout cas, ensemble. Sur ce, let's go!

qui coule dans nos veines. Il est rouge comme ce baiser. C'est le fleuve de l'égalité humaine, la conscience de l'humanité. Ne baissons pas la garde, les phalanges de l'ombre ressuscitent. Rejoins le front de la jacquarde, serrons les rangs et frappons vite. Content of their character. I have a dream today. Nous allons tous vers des temps nouveaux. sous la pluie. Quand vient la nuit qu'il nous faut rentrer sous les pavés. Pour nous rien n'a encore changé. Back to the roots. On fait glisser les bancs qui voûtent sur les pavés. Pour nous rien n'a encore changé. Ce soir on danse. Demain on lutte dans la rue. Titre à la une. Mauvaise tête, mauvaise presse. Ok, alors j'espère que vous avez aimé ces quatre extraits du tout nouvel album des Partisans qui s'appelle Rallumer tous les soleils. Les chansons étaient Je suis vivant, Rouge baiser, Dans un éclair, ainsi que Mauvais garçon. Et puis vous pouvez trouver ça sur Casual Record. C'est tout frais, tout nouveau, ça vient tout juste de sortir. Et bien sûr, on va en avoir dans les prochaines émissions, parce que je suis loin d'avoir fait le tour du disque. Ensuite, et là, on s'en va en oi, et en oi hardcore aussi, ouais. En tout cas, les groupes qui vont jouer seront les suivants. Hein. Tout d'abord, Cockney Rejects, avec la pièce Bad Man, version live, que elle, vous pouvez retrouver sur leur album qui s'appelle Eastern Blitz and Pieces, qui est sorti en 2012. Là. Et puis, après ça, Lion's Law avec la chanson Lafayette, pièce qui se retrouve sur leur album A Day Will Come. Et puis, après ça, Punch K.O. avec la pièce Elle est d'ailleurs, extrait de l'album Demain le K.O. que vous pouvez retrouver sur Ron's Record. Et ensuite, les 22 longs riffs avec une dans leur toute nouvelle chanson, la pièce Ton Combat, qui elle se retrouve sur leur nouvel album là, qui s'appelle Bal Populaire. Ouais, c'est bien ça, Bal Populaire, qui vient de sortir sur Masspod. Ouais, sur ce, let's go! Et allons-y en musique avec les Cockney Rejects, qui ont donné une excellente prestation à Montréal samedi passé. En tout cas, c'était vraiment bon. Merci à Ball Descendre de les avoir fait venir, parce que c'était vraiment bon, Cockney Rejects. Là. Ouais, c'est le fun, ça. Des bons shows, surtout quand des classiques comme ça. Tu sais, Cockney Rejects, c'est les comptes du hoy. Hein? Là, la première fois, ils sont venus à Montréal. Je pense bien qu'ils vont revenir parce qu'ils ont vu que les foufs t'a pleine. Sur ce, allez, musique. Take it away, boys. Why you always set me down? And you tell me. betray your mother. It's bad, it's bad to be. You even pay your gambling debts. And I'll buy a cash for all. You might care, but you lie. Play your hand, play this game. Cash up, remember. You're a guy, you're a defendant. You're a baby. I had that 2 minute, 1.5 minute break. It did me no fucking good at all. I'm off. Aveugle ou amoureux, elle a des gestes de parfum.

Alors, c'était les 22 longs riffs avec la chanson Ton combat. N'oubliez pas que les 22 longs riffs seront présents au Québec au milieu du mois d'octobre. Ils vont jouer bien sûr au Revolution Fest, là. Mais ils vont également aller à des places comme par exemple Jonquière. Eh oui, parce que Punk Nation Production présente les 22 longs riffs avec Dissidence et les Sales Gueules. Le 14 octobre au Cap Barry à Jonquière, et puis c'est plus exactement, je peux vous donner l'adresse, là, c'est le 2725 boulevard du Royaume à Jonquière. Bon, ça commence à 20h, en pré-vente c'est 15$, et puis à la porte c'est 20$. Bon, ça a bien d'allure ça. Et au début du bloc qui vient de jouer, on a vu tout d'abord Cockney Rejects avec Bad Man, version live, Lionzilla avec Lafayette, ainsi que Punch K.O. et la pièce Elle est d'ailleurs. Et ensuite, nous aurons King Cans avec 4 chansons extraites de leur tout nouvel album qui s'appelle Summer of Oi. Dans le fond, c'est un EP hein, qui devrait sortir en 7 pouces bientôt, mais pour l'instant, il est sur cassette. Et puis, c'est bien sûr sur LSC Record. Les 4 chansons, en tout cas, que vous allez entendre sont les suivantes, là. Not Dead Yet, Loser, Fighting Drunk, ainsi que Fuck You. Yeah. Sur ce, bye bye. Et à la semaine prochaine, tout le monde, pour une autre émission de Skypunka. Yeah. Rock on. Oh, et j'oubliais. Ben, King Cans ont donné une très bonne prestation lors de l'after show de Cockney Rejects, tout comme Up City Stompers, c'était vraiment bon. Merci la gang du LSC de nous avoir organisé un second bon show dans une même soirée. We're not. seule rangée au deuil. Et vive le rock libre. Tous contre tous, toujours nous nous battrons. Tous contre jamais nous ne reprendrons. Le chômage ne suit pas, les propriétaires ne font pas de crédit. C'est le retour au sous-emploi, la précarité les enrichit. Les syndicats ne bougent pas vraiment, conseillés par la bureaucratie. Le pouvoir du patron s'étend, plus on gratte, plus c'est pourri. Et vive le rock libre. Let the party go on now. Let the party go on.